c'est pour la qualité. J'ai la recette, négro, SOA maïté. J'suis dans le Xan, SOA, d'où le plug. C'est le au bout, les deux noirs, on a fou de plug. M-S-S-S-S-S, fraternité comme 3K. On peut remplir comme 3K. Les gros, on est pop comme 3K. Galère, tu rêves le reste négro. La famille est l'or d'abord, fuck le reste négro. Équipe, fanatique contre avec modération. CFR négro, faute swag opération. J'suis à propos du temps et de l'argent comme un Suisse. Faut que j'fasse tourner Khalif dans ma communauté comme un juif. Équipe, fuck l'industrie, j'arrive kill comme Maxon. Fuck l'industrie, j'arrive kill comme Jackson. REP, pack, REP, ODB. Gardien, REP, but c'est REP, ODB. J'arrive Faya dans la soucoupe. J'mets la sirop dans la soucoupe. J'ai mon caca dans la soucoupe. Gardien, tu peux m'appeler le chef, pétasse. Tu veux la secte, allons le chef, pétasse. Je suis des blèmes, non le chef, pétasse. Eschatologie, j'écoute le chef, pétasse. Tu peux m'appeler le chef, pétasse. Tu veux la secte, allons le chef, pétasse.